Le tueur de mouches. Tuer une mouche, c'est affliger Dieu. C'est détruire un de ses chers ouvrages. Un homme bien malheureux, qui avait tout perdu sur la terre, hors le souvenir et la résignation, rêvait des heures entières, occupé à regarder ces charmantes promeneuses des vitres, où elles glissent en tous sens comme sur un chemin droit. Un jour, il vit Paul, que j'ai bien connu, en saisir au vol quatre qu'il dépouilla de leurs ailes pour en faire, disait-il, des chiens. Il les attelait ensuite à quelques chariots faits de papier ou d'une noisette creuse. L'homme se retint de parler, mais il soupira. Une douce croyance s'attachait pour lui au vol imprévu de leurs ailes, sur sa tête ou sur ses mains. Il se persuadait que l'âme de quelque ami, d'un de ses enfants pleurés, venait baiser sa tristesse, et l'action de Paul lui serra le cœur. Mais Paul, bientôt las de faire courir ses chiens fatigués, leur rendit la liberté et trancha du généreux. Les petites invalides se traînèrent ainsi défigurées sur la terre et moururent. « En voilà de bien belles !» cria Paul, avec un rire avide de victime. « Qu'en ferai-je » « Une, deux, trois, quatre, cinq, six vestales, condamnées à être enterrées vives, comme j'ai lu dans mon histoire de Rome. Allons, pas de grâce, mesdemoiselles, votre feu s'est éteint. Plus de lumière pour vous. Dans la terre, dans la terre. » Il creusa en effet un trou au bord du jardin où il jouait. Puis, pour être plus sûr que pas une n'échapperait à sa condamnation, il les plongea d'abord dans un cornet de papier, comme dans un cachot préalable, et les ensevelit après dans l'éternelle nuit. Il parcourut ensuite le jardin, à cloche-pied, tout joyeux et tout fier d'avoir imité les Romains. À peine fut-il loin que le témoin de cette mauvaise action se pencha en toute hâte vers la sépulture des mouches, et qu'il les délivra. Ce fut, avoua-t-il lui-même depuis, un moment de profonde joie pour lui, quand il vit ces six petits souffles du ciel y remonter légères, quoiqu'un peu étonnés de leur captivité. Sans que le regard fixe de cet homme affligé eût suspendu l'acte barbare de Paul. Ce regard le poursuivait. Il le perçait d'un reproche au milieu de son triomphe et des fleurs du jardin. On eût dit sa conscience. Il revint donc sur ses pas, pour flatter et assoupir cette conscience rigide qui l'empêchait de jouer. Et il tourna autour de l'homme immobile. « Bonjour, monsieur, bonjour, bon monsieur, » répéta-t-il d'une voix caressante et obstinée. « Veux-tu causer avec moi comme hier ?»« Je ne cause pas avec le bourreau, » répliqua le témoin, qui s'éloigna lentement de Paul anéanti. Après quelques tours de promenade, il sentit Paul haletant, qu'il l'accrochait par ses habits et l'étreignait de ses deux bras au milieu du chemin. « Monsieur, » dit-il hors d'haleine, « je voulais déterrer mes vestales. Car je ne suis pas le bourreau, monsieur, je suis Paul qui demeure là. Mais si tu savais, les vestales n'y sont plus. Elles sont sauvées, » dit son juge en se penchant vers lui. « Sauvées par moi, toutes les six. » « Merci, oh merci, bon monsieur, » s'écria l'enfant en larmes, se jetant à son cou. « Paul, appelle-moi Paul, » dit-il en le serrant avec passion. « Un jour je serai bon comme toi. » « Au revoir, Paul. Tu te ressouviendras de moi comme d'un courageux ami, » répondit l'homme en passant sa main sur les traits consolés de Paul. « Tu verras, » dit l'enfant. Depuis, Paul ne tua pas une mouche. Il n'y a de créature si petite ni si abjecte qui ne représente la bonté du Créateur. Fin du tome 1er.